on se retrouve, comme on se retrouve, comme on se retrouve seul. À passer la nuit dehors dans le rond.